de ma navette, à fond les manettes, mon intellect se connecte sans accro au vaisseau, armé de mon flow perso pour une nouvelle mission dans les décibels, secourir la planète. Les comètes dont la trajectoire laisse peu d'espoir de survie. Après le choc du bloc durant la nuit. Mais une époque qui débloque, nul équivoque des processus sans sus de sport fœtus. Au fil du temps dans les esprits, les pensées de la galaxie propagent dans l'air, l'air révolutionnaire, un virus omniprésent. Le nuage bouge, déclenche l'alerte rouge sur toutes les planètes. La quête est la même. Allez au terme de cette crise qui paralyse l'expansion de la vie. Seconde après seconde, autour du monde le mal s'installe avec la nuit. Comme une lumière originale durant l'éclipse stellaire. Il fait noir, il fait noir. Le ciel est recouvert d'une éclipse stellaire. Le monde est aveugle, l'amour pour autrui se perd. C'est clair comme de l'eau broche, restons solidaires. Chaque iti aura son heure dans cet univers. Le ciel est recouvert d'une éclipse stellaire. Le monde est aveugle, l'amour pour autrui se perd. C'est clair comme de l'eau broche, restons solidaires. Chaque iti aura son heure dans cet univers. Ma vision expose sa palette de couleurs dans un univers monochrome, rempli de rancœur. Alors la lueur du soleil cesse de briller dans nos cœurs. Éteint par la lune qui a revêtu l'esprit moqueur d'un tyran tournant, donnant le tournis sur la loi de nos sentiments ainsi qu'à nos acquis spatiaux. Des spasmes de querelle sur une forme de vie. À mon avis, certains esprits sont viscéralement pourris. Plongé derrière le miroir sans reflet de la galaxie nord, l'effet de serre de l'éclipse devient de plus en plus fort. Presse les poumons de l'amour comme une serpillère qu'on les sort. Résultat, l'eau souillée de la colère ronge la faune et la flore. Aveuglé par la convoitise de la réussite de leurs frères, avance à tâtons dans le brouillard cosmique du calvaire. Il suffirait d'ôter le voile de l'égoïsme pour qu'un arc-en-ciel illumine les visages de son optimisme. Le ciel est recouvert d'une éclipse stellaire. Le monde est aveugle, l'amour pour autrui se perd. C'est clair comme de l'eau broche, restons solidaires. Chaque iti aura son heure dans cet univers. Le ciel est recouvert d'une éclipse stellaire. Le monde est aveugle, l'amour pour autrui se perd. C'est clair comme de l'eau broche, restons solidaires. Chaque iti aura son heure dans cet univers. Le soleil s'abat sur la lune, le ciel s'obscurcit. L'état d'esprit d'un homme étourdi s'assombrit. Comme un corps qui pourrit dans un cercueil, l'éclipse s'interpose sur nous comme la couleur du deuil. Nous ne sommes que des locataires sur terre, sortis du vaisseau mère comme des guerriers interstellaires, venus d'une autre dimension, espèce en voie de disparition. On crée des nouveaux flots sur des nouvelles productions, des nouveaux styles pour mon apparition. Mes interventions à la robe comme un obus sorti d'un canon. Chacun se doit de protéger sa famille. Les itis dingues dispatchés dans différents ovnis depuis l'éclipse stellaire. Le troisième type porte son invasion en mission, mentalement escorté par la force du clan. Le lyrical bestial production fait son effet. Des lyrics mercenaires, un révolutionnaire ne démissionne jamais. Le ciel est recouvert d'une éclipse stellaire. Le monde est aveugle, l'amour pour autrui se perd. C'est clair comme de l'eau broche, restons solidaires. Chaque iti aura son heure dans cet univers. Le ciel est recouvert d'une éclipse stellaire. Le monde est aveugle, l'amour pour autrui se perd. C'est clair comme de l'eau broche, restons solidaires. Chaque iti aura son heure dans cet univers.